Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur Radio Guémozo 107FM. Nous sommes le mercredi 2 février 2022, donc le 2-2-2022, il est 2h de l'après-midi, il est du coup 14h01 même. Voilà, vous êtes dans votre émission Fréquence Libre et pour cette nouvelle édition, je reçois dans nos locaux à Saint-Étienne-lès-Remiremont Vanina Krek, artiste anthropologue, qui est là pour nous parler de son activité d'artiste anthropologue et de tout ce qu'elle fait. Voilà, donc bonjour Vanina. Bonjour et merci de me laisser la parole. Avec plaisir. Donc, nos auditrices et auditeurs sont habitués. Avant d'entrer dans le vif du sujet, pouvez-vous vous présenter en quelques mots ? Eh bien oui, je suis donc artiste, plasticienne et anthropologue parce que j'étudie l'humain et les mystères de la vie à travers mon art et à travers mes connexions, mes voyages et mes études également. Donc voilà, je suis basée pour le moment à Fontenoy-le-Château et j'ai ouvert mon atelier qui est mis en forme sous la forme d'un cabinet de curiosité. D'accord. Et donc, bien que nous développerons du coup le sujet tout au long de cette heure d'émission, pouvez-vous présenter en quelques mots toujours en quoi consiste le métier d'artiste anthropologue ? Alors, le métier d'artiste, au-delà du fait de faire des choses esthétiques et jolies, je pense qu'il y a un vrai devoir de message et de recherche. On a vraiment oublié cette particularité-là, malheureusement, et malheureusement, les artistes ne sont pas forcément payé pour avoir ce temps de recherche, mais comme un musicien, on fait nos gammes, on étudie la couleur, les pigments, la nature qui nous entoure, et également l'homme et l'humain, les mythes, voilà tout ce qui traverse notre monde. L'artiste en fait est une fenêtre, un filtre, et nous on redonne à voir, voilà, à travers notre filtre personnel. D'accord. Et donc, pour en être là où vous en êtes aujourd'hui, donc artiste anthropologue, est-ce que vous avez fait des études d'art ou est-ce que vous avez tout appris en autodidacte ? Alors, moi, on va dire que mon intérêt pour le mystère et pour l'art, je pense qu'il est venu à la naissance. Et puis ensuite, j'ai fait des études de communication visuelle. Je me suis dirigée par ce biais-là, des études aux Beaux-Arts, et puis après c'est dans la vie, les rencontres qu'on fait au fil du temps qui nous amènent à notre parcours et cursus personnel. D'accord. Et donc, comme nous l'avons dit juste avant, du coup, vous êtes artiste anthropologue, et pour un petit peu aiguiller nos auditrices et auditeurs, l'anthropologie a deux définitions. Donc, la première, c'est la science qui étudie les caractères anatomiques et biologiques de l'espèce humaine. Et la deuxième, c'est l'ensemble des sciences qui étudient l'homme en société. Donc, en tant qu'artiste anthropologue, vers quelle définition de l'anthropologie vous orientez en tant qu'artiste ? Je dirais que je serais plus sur la première définition, parce que dans mon cursus et dans ma fonctionnalité, je suis née avec une très grande sensibilité. Donc je vois les couleurs, je vois les formes d'une certaine manière. Et puisque l'homme en soi est également une espèce de biochimie, mécanique, magnétique, je ne sais pas. Et d'une certaine manière, je dessine les mouvements invisibles qui peuvent traverser une personne. Voilà. D'accord. Et donc, est-ce que c'est important pour vous, du coup, de mettre l'homme avec un grand H au centre, plus ou moins, de vos œuvres ? Oui, parce que déjà, premièrement, c'est notre matière première. On arrive sur Terre avec ça. Et puis, également, finalement, même en publicité, on nous dit qu'il y a très peu de thèmes. L'homme, la vie, la mort, finalement, le sexe. Et puis, après, c'est on brode autour de ça, les grandes tragédies et les grandes, que ce soit au niveau du théâtre, du cinéma, des livres ou des artistes, l'homme est toujours à la place centrale de lui-même. Nous sommes des êtres égocentrés. Eh oui. Malheureusement, parfois, d'ailleurs. Et donc, du coup, dans votre art, c'est mieux, et dans vos œuvres, je crois savoir, j'ai appris ça en préparant cette émission, que vous élaborez ce que vous appelez des cartes de voyage ordinaires et extraordinaires. Oui, alors le carnet de voyage ordinaire et extraordinaire, c'est un carnet de voyage sur des souvenirs ordinaires de voyage et également extraordinaires, donc des rencontres de personnes un peu atypiques que j'ai pu rencontrer dans mes voyages, justement, des chamans, des personnes qui sont, on va dire, qui se placent sur le monde d'une manière différente. Et donc j'ai dessiné cette histoire et ces souvenirs, et également je fais des cartes géographiques de interpersonnel, c'est-à-dire que quand on traverse un désert, quand on franchit une montagne, quand on est dans nos marécages, tout ça on peut les mettre en image, et finalement c'est la quête, hein, c'est le dessin de notre quête intérieure que je dessine. Mmh. Donc du coup, comme vous venez de le dire, vous voyagez beaucoup, vous tirez du coup des leçons, des souvenirs de vos différents voyages avec les chamans, etc. Donc du coup, est-ce que vous diriez justement que c'est ces voyages qui, quelque part, vous guident dans vos œuvres ? Disons que c'est une certaine la position au voyage, c'est vraiment une ouverture de cœur, une ouverture quand on part, quand on sait qu'on va partir en voyage, en vacances ou quand on part quelque part, on a une certaine ouverture, on a une ouverture d'esprit, de cœur, tout est possible. Donc je dirais que c'est plus cette ouverture là, cette ouverture de l'être qui va récolter en fait toutes les aventures, tout ce qui se passe. Je pourrais très bien faire un voyage en venant ici et en étant ici. Mmh. Donc, est-ce que justement, du coup, vous diriez que les voyages en général sont presque indissociables de l'art ? Oui, quand on dit que les voyages forment la jeunesse et surtout l'esprit, oui, effectivement, quand on a la possibilité d'être bousculé dans nos habitudes, dans notre quotidien, il va se créer à l'intérieur de nous une espèce de création. On va réveiller notre esprit créatif et forcément, oui, à un moment donné, on a envie de prendre en photo, on a envie de récolter des choses, on a envie de faire des carnets de voyage, les grands musiciens aussi sûrement ont dû avoir des impressions en fait durant leur voyage qui leur ont permis de mettre ça en forme. Mmh. Donc finalement la vie en général c'est un grand voyage du coup. Je dirais ça comme ça, oui, c'est juste. Ok. Et donc, du coup, concernant ces carnets de voyage et ces cartes de voyage, j'ai également lu qu'ils sont intérieurs et secrets. Qu'est-ce que ça signifie pour vous, ces deux termes, intérieur et secret, pour vos cartes de voyage et vos carnets de voyage ? L'intériorité, c'est vraiment le monde que l'on construit en dehors du monde extérieur, et secret pour deux raisons. Secret parce qu'il y a déjà cette notion de mystère. Mmh. Et la notion de mystère rapporte une strate magique, une strate particulière. Si on prend je prends souvent cet exemple, mais je vais ramasser un caillou sur la plage et ça va être juste un caillou que j'ai ramassé, c'est juste un caillou. Mais si je le garde à l'intérieur de ma poche, dans ma main, que je lui parle, que je lui dis des secrets, que il va y avoir une espèce de d'aura particulière à ce caillou. Ça sera pas juste un caillou ramassé sur une plage, mais ça va être le caillou ramassé sur une plage. Moi seule, je sais ce qui s'est passé, je sais ce que je lui ai dit. Et donc, du coup, ça met quand même quelque chose autour des objets. J'ai vraiment cette fascination, justement, de ce qu'on peut mettre à l'intérieur d'un objet et quelque part, peut-être, j'espère, que certaines personnes peuvent le ressentir. D'accord. Et également, vous parlez du coup que vous avez fait durant toute votre vie et dans votre carrière des rencontres que vous dites surréalistes. Donc vraiment, ces rencontres surréalistes, c'est vraiment tous les chamans que vous avez rencontrés, ou c'est aussi d'autres personnes auxquelles on ne penserait pas forcément au premier abord ? Eh ben oui, déjà des chamans, des maîtres de diverses religions et philosophies, et ensuite les grandes rencontres d'amitié. Hein, c'est tout de même extraordinaire ces liens d'amitié sont aussi extraordinaires qu'un chaman qui peut venir d'Amazonie. Mais voilà, c'est vrai que. Et il y a eu un moment donné dans ma vie où je rencontrais énormément de gens particuliers. Je veux dire, je vais dans un parc à côté de chez moi et je rencontre un gourou indien avec... Enfin, il y avait vraiment, je prends le bus, il y a ce lama qui était là. Enfin, je veux dire, ce sont des personnages un peu particuliers dans le quotidien. On les voit pas tous les jours, sauf si on fréquente certains temples. Mais il y a vraiment eu un moment donné dans ma vie où pratiquement chaque semaine, je rencontrais une personne assez particulière. D'accord. Et donc, du coup, c'est comme vous l'avez dit, c'est sur ces rencontres, sur votre parcours et du coup sur les souvenirs que vous en tirez, ainsi que sur les histoires que vous avez connues, que vous fondez du coup votre trame de création. Oui, oui, oui, c'est vraiment sur l'expérience personnelle et puis encore une fois sur la magie du quotidien. On est un petit peu, en plus, on est un peu en manque de magie en ce moment, mais je veux dire qu'on peut aller dans un supermarché et rencontrer un chaman. Et qu'est-ce qu'un chaman, après tout? C'est une personne qui a décidé de vivre sa vie d'une façon particulière et qui met justement l'invisible dans son quotidien. J'ai rencontré... La femme qui... c'est pas une médium, mais c'est la femme qui dit les choses pour le Dalai Lama. C'est une grand-mère, hein, c'est une grand-mère. Elle a 70 ans, elle a des gâteaux dans son placard. Elle offre le thé comme si c'était ma grand-mère. C'est juste que à un moment donné, il y a une rupture, il y a une vision du quotidien qui est un peu différente et qui laisse... Qui donne un sens, je dirais, à la vie. Et il faut garder ce sens-là et cette petite pointe de magie pour pas s'écrouler, en fait. Mm-hmm. Garder peut-être aussi quelque part une partie d'âme d'enfance. Aussi, ça, j'espère que tout le monde garde un petit peu son âme d'enfance et son envie de jeu. C'est vrai que pour certaines personnes, j'en ai déjà rencontré dans ma vie tous les jours ou quoi, c'est un peu compliqué de garder sa part d'enfance parce qu'ils estiment qu'à partir d'un certain âge, ils doivent tout oublier ce qui est de l'enfance. Bon, je ne suis pas forcément d'accord, mais je ne suis pas là pour donner mon avis. Voilà. Oui. Et donc, si vous deviez décrire votre concept d'art, comment le décririez-vous? Alors, je mets beaucoup de sérieux dans l'art. Alors, on parle de jeu, justement, et c'est justement ça. Il faut garder cette spontanéité, c'est-à-dire cette ouverture de cœur et cette envie de jeu. Ça, c'est indéniable. Mais en même temps, je trouve ça très sérieux parce que l'art, quand même, a une vocation, pour moi, hein, c'est mon opinion, a une vocation vraiment de transmettre. C'est vraiment, on parle pour le coup d'âme à âme. On n'est pas là juste pour parler de ce qui ne va pas dans ma vie. Non, il y a vraiment quelque chose qui nous dépasse, quelque chose qui nous traverse. Et l'artiste est un messager, en fait. Et donc, du coup, j'ai cette vision sacrée de l'art où on diffuse de toutes les manières possibles un message et justement qui, voilà, un message peut-être d'espoir, d'ouverture, de rester ouvert, de garder justement cette âme ouverte. D'accord. Donc il est 14h presque 15 et donc avant de parler encore plus de tout ça, je vous propose de nous lancer directement dans une première fréquence musicale que vous avez choisie, Vanilla, et que nous écoutions pour commencer le chanteur d'origine suédoise, me semble-t-il, mais qui chante en espagnol, José González ou José González, voilà, à l'espagnol, avec son morceau intitulé El Invento, que l'on pourrait traduire en français par l'invention. Pour donner les quelques références comme j'aime bien le faire, ce morceau est plutôt typé folk, je dirais. C'est un titre sorti l'année dernière en 2021 et c'est un titre issu de l'album Local Valley de José González, album sorti le vendredi 17 septembre 2021, il y a quelques mois à peine. Il s'agit du troisième album studio du chanteur. Donc on écoute El Invento de José González et on se retrouve juste après, d'ici un peu plus de 2 minutes 30. Donc à tout de suite sur Radio Guimauzo. Simplemente ser un alma curiosa, singular, compleja en su calma. tempesta. Dime, ¿por qué será? Dime, ¿por dónde vas? Dime. Y en el amanecer, cuando todo va a cambiar, todo de color, y vemos aparecer un mundo lleno de belleza y de dolor. Dime, ¿por qué será? Dime, ¿por dónde vas? Dime, ¿de dónde somos? Dime. Pertenecer a la gente del libro, pretendiendo entender los enigmas del universo. Dime, ¿por qué será? Dime, ¿por dónde va? Somos, dime, dime y dime, ¿por qué será? Dime, ¿en dónde estamos? Dime, ¿por qué? Vous êtes de retour sur Radio Guémozo. Vous nous écoutez toujours sur le 107 FM localement, sur notre site internet ou sur notre application Orange Radio. Vous êtes bien sûr toujours en direct. Il est 14h, presque 18. Et vous venez d'écouter José González avec le morceau intitulé El Invento. Et nous sommes toujours en compagnie dans nos locaux de Vanina Craik, artiste anthropologue, qui est là pour nous parler de son activité d'artiste anthropologue et de tout ce qu'elle fait. Ça va toujours ? Oui, ça va très bien, merci. Super. Donc j'aime beaucoup poser cette question après une pause musicale, et nos auditrices et auditeurs le savent également. Pourquoi avoir eu envie d'écouter ce titre ? Alors c'est un titre qui est arrivé, comme arrivent souvent les titres, hein. D'ailleurs je pense à tous ceux qui peuvent nous écouter dans leur voiture. Dans... Mmh. Et c'est une pause vraiment de douceur. On était dans un monde assez bousculé, et ça a vraiment fait une bulle, quelque chose de très très doux. Et puis j'ai quand même vécu 6 ans en Espagne, et j'ai beaucoup appris là-bas, et j'ai vraiment, enfin l'Espagne est vraiment une terre de cœur, donc ça a tout de suite résonné en moi. D'accord. Et donc justement, si vous nous écoutez du coup plutôt chez vous, parce que si c'est dans la voiture, ça va être un petit peu compliqué, mais n'hésitez pas à poser vos questions à mon invité sur notre page Facebook, du coup sur l'annonce de l'émission que j'ai fait un peu plus tôt aujourd'hui, comme ça je lui transmettrai vos questions, vos remarques d'admiration, pourquoi pas. Donc voilà, ou alors vous vous garez sur le côté et vous prenez votre téléphone, mais évitez de le faire en cours disant c'est mieux. Et donc on va reprendre du coup le cours de cette émission. Donc toujours en préparant cette émission, j'ai eu l'occasion d'apprendre que de vos voyages et de vos rencontres, vous avez récolté souvenirs, secrets d'alcôve, ce sont des histoires relatives à la vie amoureuse et intime, d'autres histoires et des réflexions. Diriez-vous donc que pour vous c'est important d'être proche des humains pour justement mettre, je crois que j'ai déjà posé la question mais je vais la reposer, voilà, pour justement mettre l'humain au cœur de vos œuvres. Est-ce qu'il faut être forcément proche des humains ? Ben, c'est vrai que la qualité d'empathie est une qualité à développer, mais je voudrais juste rajouter quelque chose, parce que le secret d'alcôve, c'est également une référence à l'alchimie, qui est également très présente dans mon travail, et l'alchimie donc, on va dire biochimique, mais également l'alchimie intérieure de l'homme, puisque la pierre n'est pas divisée de l'homme dans le travail de l'art alchimique. D'accord. Non, mais j'avoue que je connaissais que la première définition, je ne connaissais pas cette définition que vous venez de dire, donc voilà, on en apprend tous les jours ici à Radio Guémozo. Donc du coup il faut être, selon vous, important, du coup être proche des humains. Oui, bah, je pense que c'est... déjà, nous sommes des êtres fabriqués pour être proches, pour être en relation. On a bien vu ce que ça a donné d'être chacun isolé dans des espaces réduits. Et même en ce moment, même avec les histoires de gestes barrières, mm-hmm. on se rend bien compte que l'humain est touché si on n'a pas justement cette connexion, ce rapport à l'autre. D'accord. Et justement, du coup, à travers vos créations, est-ce que vous racontez, du coup, en quelque sorte, le chemin de votre vie, votre cheminement ? Oui, alors c'est un cheminement personnel et individuel, mais qui tend à universaliser. Et c'est pour ça que peut-être certaines personnes peuvent se retrouver dans mon chemin, mon cheminement, peut-être, je ne sais pas. Donc justement, à travers du coup vos œuvres, est-ce que vous avez cette volonté du coup de rapprocher les humains entre eux ? Je ne crois pas. D'accord. je vais dire, je pense que j'aurais plus tendance, si je devais mettre une forme sur cette pensée, à aller chercher à l'intérieur de chacun. Vraiment l'endroit où se situe le départ de la racine de soi. Donc je m'explique, c'est vraiment une fois qu'on a trouvé à l'intérieur de soi un endroit très particulier où justement se fait la connexion, on peut commencer à faire des racines, une sorte c'est une sorte de réseau. D'ailleurs, on le voit même physiquement quand on prend le réseau, on va dire virtuel de quelqu'un, on voit cette ramification. Je pense que cette ramification, elle a un point d'origine, et je pense que ce point d'origine, c'est vraiment l'endroit peut-être où siège le soi. Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est plus ça que je voudrais toucher. Après, que les gens se mettent ensemble ou en réseau ou pas, je dirais que c'est pas tellement important pour moi. D'accord. Donc quelque part, si je comprends bien tout ce que vous dites, il y a aussi quelque part un côté philosophique dans votre art. Oui, philosophique indéniablement, et puis l'écriture. J'écris beaucoup. Je tiens des journaux et des carnets depuis tout le temps, depuis je m'en souviens. Et oui, c'est très important. Et en même temps, encore une fois, garder l'esprit ouvert, de réfléchir toujours à ce qui se passe autour de nous, de se poser toujours des questions, c'est important, justement, c'est important pour ne pas dériver dans des dynamiques de masse, mais rester intègre avec soi-même. Mmh. Donc justement, vu qu'on parle de philosophie, ça me fait penser à une citation d'un célèbre philosophe Freud qui dit le ça, le moi et le surmoi. Donc est-ce que du coup c'est aussi sur ça que vous vous appuyez plus ou moins ? Alors si on rentre sur ce terrain-là, je suis plus jungienne que freudienne. D'accord. Mais qui en parle d'une manière différente, et peut-être que Jung rajoute après Freud une strate justement un peu plus supérieure. Oui, il y a un surhomme, il y a un sur moi, peut-être une partie qui, je ne sais pas, on va appeler ça une partie qui serait connectée à quelque chose qui nous dépasse, au divin ou à quelque chose de plus grand. Et cette partie-là, oui, je pense qu'elle est importante pour ne pas rester petit, tout simplement, pour rester en contact. Alors, on parlait tout à l'heure de contact et de réseau avec les autres, mais je dirais que c'est avec tout le monde entier. Hein. Je parle aussi des forêts, de la nature, de l'alimentation. Je veux dire, il y a un moment donné où il ne faut pas se couper du vivant. Mmh. Voilà, oui. Ouais, c'était une petite remarque du coup philosophique, mais ne vous en faites pas, ça ne va pas être une émission philosophique, sinon j'ai peur qu'on perde plusieurs auditrices et auditeurs. Donc bon, voilà, c'était la petite remarque du coup. Et donc, en préparant cette émission, j'ai cru comprendre que vous souhaitiez, comme vous l'avez dit, vous souhaitiez ouvrir à la pensée universelle sur le voyage par, dans et à travers l'homme. Donc que voulez-vous dire par l'homme, dans l'homme et à travers l'homme ? Encore une fois, l'homme, on en revient à ces diverses connexions, mais par l'homme, c'est-à-dire que l'homme est un moyen, ma voix est un outil, ma voix est un moyen, donc je peux les passer un message à travers moi, ce message que j'ai pris finalement dans ce qui m'entourait, de ma vision. Donc à travers moi, c'est-à-dire qu'à travers moi, à travers ce que je vois, à travers mon expérience, je vais faire passer mes émotions finalement. Puisque l'art c'est également ça, de faire passer des émotions. Et l'émotion, c'est ce qui touche l'autre. C'est un peu compliqué là. On s'enfonce en plus, mais en tout cas voilà, c'est ça, c'est garder toujours cette universalité comme vous dites. D'accord. Donc aussi du coup pour nos auditrices et auditeurs, à ne pas confondre le terme anthropologie et sociologie, parce que la sociologie c'est l'étude des relations, actions et représentations sociales par lesquelles se constituent les sociétés, alors que comme nous l'avons dit avant, l'anthropologie c'est du coup la science qui étudie les caractères anatomiques et biologiques de l'espèce humaine, ou l'ensemble des sciences qui étudient l'homme en société. Voilà, même s'il y a toujours cet aspect société, ce sont quand même deux choses assez différentes. Et donc du coup à travers vos œuvres, enfin justement, quelles sont vos œuvres ? Est-ce que c'est de la peinture ou et si oui, quel type de peinture ? Alors je touche un peu à tout, mais c'est vrai que essentiellement dessin, peinture. En ce moment, je suis un peu en pause. Je dirais plus dessin. Après, j'utilise beaucoup d'autres médiums, comme le volume, la terre. La terre, à un moment donné, a été vraiment a une particularité. Et en plus, elle est vraiment utilisée dans d'autres civilisations, dans des statuettes. Je pense comme ça à l'art vaudou ou à l'art d'autres pays qui l'utilisent comme un outil de guérison, comme un outil de travail sur la matière. Donc là, on est vraiment dans l'utilisation de la matière, vraiment pour, au-delà de passer un message, mais qui devient une matière un peu, on va dire, active. Donc j'utilise beaucoup le dessin, l'écriture, les pigments et les matériaux naturels. D'accord. Donc vous êtes du coup une artiste multifacette quelque part. Oui. D'accord. Et il paraît aussi que vous êtes une hypersensible singulière. est-ce que c'est pareil, ce rapport, du coup, comme vous en parliez pendant cette émission, ou est-ce que c'est un autre... Oui, alors mon hypersensibilité, pour les gens hypersensibles, on va se comprendre très vite. C'est vrai que tout ce qui m'entoure me touche d'une façon très prononcée, et on va dire que tout le son, les lumières, les couleurs arrivent dans mon système d'une manière amplifiée. D'accord. Donc c'est vrai qu'il y a eu à un moment donné une adaptation à faire avec tout ça. Quelquefois, effectivement, je peux voir des sons ou bien entendre des couleurs. Voilà, c'est un peu particulier quand ça commence à se mélanger, ça peut être un peu particulier. Mais voilà, il y a vraiment beaucoup de personnes qui sont hypersensibles maintenant, de plus en plus. Il faut juste apprendre à vivre avec ça. Voilà, encore tout à l'heure, un monsieur a demandé dans un endroit où j'étais de baisser un peu la lumière parce que c'était trop fort pour lui. La personne qui tenait l'établissement a un peu baissé la lumière pour lui. J'ai trouvé ça très bien. Mais il y a maintenant aussi également dans les supermarchés des moments où on baisse le niveau de musique et de lumière, parce qu'on est tellement tout le temps, en permanence, submergé de sons et d'informations, qu'il y a des personnes qui sont submergées par cela. Donc voilà, si vous aussi, auditrice, auditeur, s'il y en a parmi vous qui êtes hypersensible, etc., n'hésitez pas à nous en faire part sur notre page Facebook. Voilà, échangez vos différents points de vue, si vous êtes d'accord avec mon invité, si au contraire vous êtes hypersensible mais que vous ressentez différentes choses, pourquoi pas, ça pourrait être intéressant du coup à aborder. Voilà, donc il est 14h30. Avant de nous intéresser davantage à tout ça, je vous propose de nous lancer directement dans la deuxième fréquence musicale que vous avez choisie à nouveau et que nous écoutions cette fois-ci le groupe de rock québécois indépendant Arcade Fire avec leur morceau intitulé Wake Up. Toujours au niveau des quelques références, cette musique est plutôt typée du coup musique alternative indé rock. C'est un titre sorti en 2004 et issu de l'album intitulé Funeral, que l'on pourrait traduire, bon ça c'est, je l'ai dit avec l'accent français, mais que l'on pourrait traduire du coup en français par Enterrement. Il s'agit du premier album studio du groupe, et pour la petite info complémentaire, le morceau que nous allons écouter a gagné le prix Juno du compositeur de l'année. Voilà, donc on écoute Wake Up de Arcade Fire et on se retrouve juste après pour la suite de cette émission. Donc à tout de suite sur Radio Guémozo d'ici un peu plus de 5 minutes 30 cette fois-ci. Donc à tout de suite sur Radio Guémozo. Vous êtes de retour sur Radio Gamozo 107FM. Vous êtes toujours en direct, il est 14h37 tout pile et vous venez d'écouter le groupe Arcade Fire avec le morceau intitulé Wake Up. Et nous sommes toujours en compagnie dans nos locaux de Vanina Craig, artiste anthropologue qui est là pour nous parler de son métier, de tout ce qu'elle fait. Voilà, de un sujet très intéressant du coup. Est-ce que vous passez un bon moment en notre compagnie, Vanina ? Oui, merci. Super. Donc même question que pour la première fréquence musicale, pourquoi ce morceau ? Déjà parce que ça parle aussi de quelque chose de particulier, hein. Ça parle de se réveiller et du futur et des enfants. Et je pense qu'il est temps, il est vraiment temps qu'on fasse quelque chose, hein, avec le futur et en tout cas le présent, et que qu'on soit face, qu'on se mette face vraiment à ce que l'on est en train de faire, à la planète et à nous-mêmes. Voilà. Donc le wake up, si on veut traduire comme vous l'avez dit, c'est se réveiller, ou réveillez-vous. Voilà, on peut traduire de deux façons. Et du coup, ben, l'album, c'est assez intéressant, parce que le titre le titre de la musique que nous venons d'écouter, c'est réveillez-vous, mais le titre de l'album, c'est enterrement. Oui, parce que il y a eu la perte d'un ami du groupe. D'accord. Et d'ailleurs cette chanson a été créée pour lui, et donc c'est quand même un album qui est baigné d'une grande tristesse, je dirais. D'accord. Et d'un grand deuil. D'accord. Ben je ne le savais pas non plus. Voilà. Vous m'avez appris, et vous avez certainement appris encore plein de choses à nos auditrices et auditeurs du coup. Donc on va reprendre cette émission. Donc avec la crise sanitaire que nous connaissons toutes et tous et dont nous ne citerons pas le nom, hein, comment le vivez-vous en tant qu'artiste ? J'avais déjà répondu une fois à cette question. Je vais y répondre encore une fois, mais l'artiste en soi est déjà voué à se confiner dans son atelier et à être à faire ses retours sur soi, et justement à être isolé, on va dire, dans son travail. Et enfin, je parle d'artiste plasticien ou peut-être photographe, et encore photographe, c'est encore autre chose. Mais le confinement, en tout cas la crise sanitaire, outre le fait que j'ai été très malade et que j'ai véritablement cru que j'allais mourir, ça a fait un choc émotionnel très grand. J'ai vécu un confinement dans le confinement. D'accord. C'était très étrange, et je me suis vue, du coup je me suis dit que ça a été une très grande opportunité pour beaucoup de personnes de pouvoir faire ce retour sur soi. Hein, beaucoup de personnes ont changé de métier, beaucoup de personnes sont allées se poser des questions, en tout cas dans mon entourage. Et je pense que oui, on a quand même un métier un peu de solitaire. Donc, même si on a besoin du public à un moment donné pour exposer, on reste des êtres un peu qui travaillent seuls. Donc, j'ai pas vraiment vécu de différence au moment même où c'est arrivé, à part l'arrêt du monde et le non-bruit. Oui. C'était impressionnant, ce silence. Quand on était tous du coup coincés chez nous, voilà, qu'on ne pouvait plus trop sortir. D'ailleurs, nous avons un commentaire de quelqu'un qui vous connaît, Rosalie Ribouldingue, oui, qui dit un bonheur de connaître cet artiste, grande âme, grande sensibilité et quel talent. Merci Rosalie. Voilà. Donc voilà. Voilà, maintenant faites comme cette auditrice, donc comme notre auditrice Rosalie, et n'hésitez pas à laisser vos messages. Voilà, je lui transmettrai avec plaisir. Voilà, donc ensuite, on va reprendre, c'était la petite parenthèse. Du coup, en tant qu'artiste, du coup, est-ce qu'il y a un lieu dans lequel vous souhaiteriez exposer ? Oui, alors après. Comme j'en parlais tout à l'heure, je travaille beaucoup sur l'art sacré également, mais j'aimerais beaucoup. Là, je suis en train de me remettre à peindre sur des très grands formats, et j'aimerais beaucoup exposer dans une église, en fait, de faire aussi des choses qui, parce que l'art avait à un moment donné un rôle également de transcendance, d'inspiration, de voilà, comme on peut écouter une musique classique qui porte. Il y avait des tableaux comme ça qui étaient extraordinairement porteurs. Donc j'aimerais beaucoup réaliser une fresque d'église ou une peinture religieuse ou sacrée. Donc voilà, si y en a qui ont des murs, je suis preneuse. Voilà, je suis sûr que le message est passé. Donc justement, vous dites que vous reprenez tout doucement à peindre sur des grands formats. Donc est-ce qu'il y a un format sur lequel vous préférez peindre? Est-ce que c'est les grands formats, les petits formats, ou est-ce que les deux vous plaît un peu pareil tous les deux? Alors je divise quand même mon œuvre, et en tout cas ce que je fais en ce moment, je travaille dans divers domaines. Donc il y a vraiment la partie qui est consacrée aux arts et aux sciences, et c'est pour ça que donc le cabinet Curiosité, donc je fais beaucoup de carnets, de croquis, comme des carnets d'explorateurs ou des planches de botanique ou des choses comme ça, ou des études de plantes, voilà. Donc c'est plutôt type aquarelle, dessin. Et puis je suis aussi passée au volume, et d'ailleurs j'ai travaillé dans des boîtes qui faisaient du décor avant de devenir artiste indépendante, et donc je travaille aussi tout ce qui est un peu miniature, on crée des mondes voilà en volume, en trois dimensions réelles. Pas en trois dimensions d'ordinateur, mais réel. Et puis, il y a ces fameux grands formats et cette peinture qui prend beaucoup de temps. Surtout que j'utilise des pigments naturels. Et puis, c'est un autre travail. Donc, il me faut un espace-temps différent. Et je suis tout de même aussi maman, et d'autres choses en dehors, parce que je fais aussi de la pédagogie et des interventions artistiques dans les écoles. Donc du coup, je n'ai pas toujours le temps à me consacrer sur ces grands formats. Bien sûr, j'imagine. Et du coup, pour créer une œuvre, quel est votre processus? Quelle est votre démarche? Est-ce que vous faites déjà un brouillon, je ne sais pas, une esquisse, ensuite un croquis, ensuite la version finale, ou est-ce que vous faites tout d'un coup? Il y a un moment d'inspiration, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un moment donné où une image, quelque chose me traverse. Il faut absolument que je la note immédiatement, d'une manière ou d'une autre, parce que sinon ça ne reste pas. Donc j'ai fait l'erreur de laisser passer quelques images et j'arrive pas à les retrouver, notamment sur une Marie-Madeleine que je devais faire. Et voilà, donc il y a vraiment une image, vraiment comme une photographie qui m'apparaît dans la tête, et suite à ça, bah, j'essaye de avec mes moyens, avec ma façon, voilà, de recomposer l'image. D'accord. Est-ce que du coup vos œuvres, est-ce qu'on peut les acheter? Non. D'accord. Si, ça dépend lesquelles. Si, bon là je suis sur des œuvres de commande, donc elles sont déjà vendues avant de les avoir faites. Mais oui, on peut en acheter certaines, mais je dois me remettre à la production. Et puis on peut acheter également, parce qu'on a fait, comme je vous disais, je fais des mondes miniatures. On a fait avec une amie un musée entre guillemets, un musée des univers miniatures dans mon village. Donc on fait ça pour le plaisir. Hein. Vraiment, c'est un lieu artistique, entre nous. Et là, on peut acheter des petits mondes miniatures, oui. Donc, Est-ce que vous organisez des stages, des démos? J'ai organisé des stages. Je pense que je vais en refaire cet été. L'été, c'est plus convivial et plus facile pour moi. Mais oui, effectivement, j'ai déjà réalisé des stages particuliers. Et donc, comme vous l'avez dit, du coup, les potentielles acheteuses ou les potentiels acheteurs peuvent vous passer une commande unique et vous la faites. Et puis, c'est seulement cette personne-là qui l'aura, du coup, seule. Oui, mais voilà, je prépare quand même une exposition. Dans cet univers miniature et volume. Sur les endroits abandonnés et d'accord. Comment la nature reprend l'espace en fait sur la matière inorganique. Voilà, et c'est très étrange. Là, tout ce qui est rouille, tout ce qui est... Ça me fascine. Comment la nature reprend ses droits, quelque part ? Oui, mais quelque part... c'est aussi les traces. Parce que une usure sur une pierre ne va pas être la même que sur du plastique ou sur du métal. Et c'est vraiment ce qui m'intéresse, c'est vraiment la matière qui se transforme. Qu'est-ce que ça donne ? Qu'est-ce qui reste ? Et comment on abandonne les choses aussi. D'accord. Donc justement, pour voir si, comment la nature, du coup, je n'ai plus le mot, évolue du coup sur les différentes matières, on va dire, est-ce que peut-être vous seriez amené à faire de l'urbex, peut-être ? Non. je suis trop précautionneuse et je respecte la propriété des autres. D'accord. Non, mais j'avoue que je suis vrai, si ça m'est déjà arrivé de rentrer dans des maisons abandonnées, bien sûr, comme tout le monde, oui. J'imagine. Mais c'est pas mon terrain forcément de. Je voilà, c'est pas forcément mon terrain de jeu, on va dire. Oui, qui ne l'a pas fait, qui n'est jamais entré dans une maison abandonnée, c'est vrai que je suis sûr qu'il y a très peu d'auditrices ou auditeurs qui pourraient dire « moi je ne l'ai jamais fait ». Donc il est 14h48, donc nous arrivons déjà bientôt à la fin de cette émission, mais avant de conclure, je vous propose de nous lancer directement dans la troisième et dernière fréquence musicale que vous avez choisie une nouvelle fois, et que nous écoutions cette fois-ci une auteure, compositrice, interprète et pianiste américaine, Fiona Apple, avec son morceau intitulé « Across the Universe », que l'on pourrait traduire en français, car j'aime traduire les titres, par « À travers l'univers ». Il me semble d'ailleurs qu'il s'agit d'une reprise du groupe des Beatles. Voilà, toujours au niveau des quelques références, c'est un titre plutôt typé pop, c'est un titre sorti en 98, je crois qu'à l'époque Fiona Apple devait avoir une vingtaine d'années quand elle l'a chanté, et il est issu de l'album Pleasantville, album sorti le mardi 6 octobre 1998, d'ailleurs nous pouvons entendre cette version dans le film du même nom sorti la même année, donc il y a maintenant 24 ans. Et donc on écoute Across the Universe, la version de Fiona Apple, et on se retrouve du coup juste après pour la suite et la fin de cette émission, donc à tout de suite sur Radio Gamozo. Rain into a paper cup. They slither while they pass. They slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my open mind, possessing and caressing me. Across the Universe de Fiona Apple sur Radio Gémozo, donc reprise du célèbre groupe Les Beatles, ce qui n'est d'ailleurs pas la seule reprise de cette chanson, il y a d'autres artistes qui ont repris cette chanson. Et vous êtes donc de retour toujours en direct, il va être 14h54 et vous nous écoutez toujours sur le 107FM localement ou sur notre site internet https://radiogémozo.radio-website.com/ et sur notre application Orange Radio partout en France et dans les pays frontaliers et même au Québec entre autres. Et nous sommes toujours en compagnie dans nos locaux pendant encore quelques minutes de Vanina Craig, artiste anthropologue, qui est là pour nous parler de son métier d'artiste et de tout ce qu'elle fait. Tout va toujours bien ? Oui, merci. Super. Donc, même question que pour les deux précédentes fréquences musicales. Vous êtes habitués désormais, nos auditrices et auditeurs sont habitués également. Pourquoi ce morceau ? Eh bien, pour la traversée, en fait. Pour se dire que quand je regarde dans ma vie, cette traversée, c'est vraiment ce qui c'est quand on traverse comme ça sa vie et son univers, j'ai vraiment vécu tellement de choses intenses et merveilleuses et fortes et que voilà, il y a vraiment cette idée de que l'on arrive sur Terre, que l'on traverse, et voilà. Après le reste, je ne sais pas où on va, mais je voilà, il y a pas cette idée de peur. On traverse juste, voilà. La vie est une belle aventure également, donc voilà. Parfois, il suffit de regarder pas loin de soi pour voir la beauté de la vie, de la nature, etc., etc. Surtout dans le Grand Est, on est plutôt gâté niveau panorama. Donc voilà. Y a-t-il, du coup, comme nous l'avons annoncé avant cette pause musicale, y a-t-il quelque chose que nous n'avons pas encore abordé, car on arrive déjà à la fin de cette émission, mais qui mériterait absolument d'être abordé ? Ou est-ce qu'on a fait à peu près le tour ? On a fait à peu près le tour, je pense. Après, c'est vrai que ça passe très vite. C'est vrai. Oui, je tiens à rappeler quand même que sur mon atelier d'artiste, hein, le cabinet curieux, qui est ouvert au public les mercredis après-midi en horaire fixe, et puis ensuite je communiquerai sur les horaires de façon plus régulière, mais en tout cas pour le public c'est ouvert les mercredis après-midi, et on fait des rencontres justement où on a besoin à un moment donné de se retrouver, de parler, de philosopher, de rechercher et de faire écho comme ça. Donc voilà, on va faire des rencontres donc de façon régulière là-bas. Et puis, je rappelle également le MUM, le Musée des Univers Miniatures, hein, que je fais avec Caroline van der Speck, qui est ma grande amie et compagnon de voyage dans cette aventure. Voilà, on va à partir du 15 avril où on va mettre en place notre nouvelle exposition, donc à Fontenoy-le-Château, au bout des Vosges. C'est vrai. Donc Caroline van der Speck, pardon, qui a d'ailleurs réagi à ma publication annonce de ce matin sur cette émission. Elle a mis un petit pouce en l'air, on va dire. Voilà. Et donc, du coup, est-ce que vous pouvez peut-être rappeler l'adresse de votre atelier ouvert le mercredi ? C'est le 22 rue Grande, dans la rue principale de Fontenoy-le-Château. Voilà. Il y a une rue principale pavée, donc c'est voilà, on peut facilement le trouver. Donc du coup, les mercredis après-midi à horaire fixe pour l'instant. Voilà. Ok. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite ? Un grand format je pense que on parlait de secret, on a parlé de recherche, on a parlé de toutes ces choses là c'est vrai que j'ai vécu ma vie justement comme quelque chose que je traversais, comme un voyage, voilà, je pense qu'il est temps de mettre tout ça dans un livre. Donc moi, je me souhaite la naissance d'un petit livre pour 2022, ou en tout cas d'un catalogue ou de quelque chose qui va regrouper un peu justement mon travail, mes aventures et ma vision particulière de voir la vie. D'accord. Est-ce que vous avez du coup un dernier mot avant qu'on se quitte? Oui, je voulais dire merci à mes amis et merci à mon papa qui m'écoute peut-être, et donc merci aussi à ma maman qui, je suis sûre, m'écoute elle. Oui. Donc voilà, le message est passé. Donc c'est ainsi que se termine cette édition de Fréquence Libre. Donc là, je vous remercie une nouvelle fois, Vanina, d'avoir accepté mon invitation. Cette émission sera rediffusée demain, jeudi, à 18h, avec le podcast de cette émission posté sur notre page Facebook et sur notre site internet. Si vous voulez, je pourrais même vous l'envoyer par mail d'ici quelques jours. Si vous voulez la récupérer. Oui, je la récupérerai avec joie. Parfait. Et en attendant, je vous laisse en musique après le générique avec Nina Simone. On aime bien Nina Simone ici à Radio Guimauzo, on en passe beaucoup. Et son morceau Just Like a Woman. Voilà. Avant la rediffusion de l'édition de Fréquence Libre d'hier, dans laquelle je recevais par téléphone Cyril Guiroudou, qui œuvre principalement dans l'insertion en fonction de la précarité à Marseille, et qui est actif dans quelques associations, justement comme l'AELH, œuvrant elle-même dans ces domaines, et dans laquelle j'étais accompagné d'un co-animateur, co-animateur d'un jour, on va dire, Gomidas. Quant à nous, on se retrouve demain à 14h pour une nouvelle édition de Fréquence Libre, dans laquelle je recevrai dans nos locaux, à Saint-Étienne-lès-Remiremont, Mathieu et Clément de la Protection Civile des Hauts-de-Vosges. Voilà. Donc merci de votre fidélité à Radio Guimauzo, et du coup, je vous dis à demain. Donc salut, et à demain.